14 décembre. Après avoir encore traversé quelques plaines cultivées çà et là par les indigènes, mais demeurées la plupart du temps complètement incultes, bien que très fertilisables, nous découvrons sur la gauche la longue nappe d'eau du lac Triton. On s'en approche peu à peu, et on y croit voir des îles, de grandes îles nombreuses, tantôt blanches, tantôt noires. Ce sont des peuplades d'oiseaux qui nagent, qui flottent par masses compactes. Sur les bords, des grues énormes se promènent deux par deux, trois par trois, sur leurs hautes pattes. On en aperçoit d'autres dans la plaine, entre les touffes du maquis, que dominent leurs têtes inquiètes. Ce lac, dont la profondeur atteint 6 ou 8 mètres, a été complètement à sec cet été, après les 15 mois de sécheresse qu'a subi la Tunisie, ce qui ne s'était pas vu de mémoire d'homme. Mais malgré son étendue considérable, en un seul jour, il fut rempli à l'automne, car c'est en lui que se ramassent toutes les pluies tombées sur les montagnes du centre. La grande richesse future de ces campagnes tient à ceci. Qu'au lieu d'être traversées par des rivières souvent vides, mais au cours précis et qui canalisent l'eau du ciel, comme l'Algérie, elles sont à peine parcourues par des ravines où le moindre barrage suffit pour arrêter les torrents. Or, leur niveau étant partout le même, chaque averse tombée sur les monts lointains se répand sur la plaine entière. En fait, pendant plusieurs jours ou pendant plusieurs heures, un immense marécage, et y dépose, à chacune de ces inondations, une couche nouvelle de limon qui l'engraisse et la fertilise, comme une Égypte qui n'aurait point de Nil. Nous arrivons maintenant en des landes illimitées, où se répand une lèpre intermittente, une petite plante grasse, verte grisâtre, dont les chameaux sont très friands. Aussi aperçoit-on, pâturant à perte de vue, d'immenses troupeaux de dromadaires. Quand nous passons au milieu d'eux, ils nous regardent de leurs gros yeux luisants, et on se croirait au premier temps du monde, au jour où le Créateur, hésitant, jetait à poignée sur la terre, comme pour juger la valeur et l'effet de son œuvre douteuse, les races informes qu'il a depuis peu à peu détruites, tout en laissant survivre quelques types primitifs sur ce grand continent négligé, l'Afrique, où il a oublié dans les sables la girafe, l'autruche et le dromadaire. Ah, la drôle et gentille chose que voici! Une chamelle qui vient de mettre bas et qui s'en va vers le campement, suivie de son chamelet que poussent avec des branches 2 petits arabes dont la figure n'arrive pas au derrière du petit chameau. Il est grand, lui, déjà, monté sur des jambes très hautes, portant un rien du tout de corps que termine un cou d'oiseau et une tête étonnée dont les yeux regardent depuis un quart d'heure seulement ces choses nouvelles. Le jour, la lande et la bête qu'il suit. Il marche très bien pourtant, sans embarras, sans hésitation, sur ce terrain inégal, et il commence à flairer la mamelle, car la nature ne l'a fait si haut, cet animal vieux de quelques minutes, que pour lui permettre d'atteindre au ventre escarpé de sa mère. En voici d'autres, âgés de quelques jours, d'autres encore, âgés de quelques mois, puis de très grands, dont le poil a l'air d'une broussaille, d'autres tout jaunes, d'autres d'un gris blanc, d'autres noirâtres. Le paysage devient tellement étrange que je n'ai jamais rien vu qui lui ressemble. À droite, à gauche, des lignes de pierres sortent de terre, rangées comme des soldats, toutes dans le même ordre, dans le même sens, penchées vers Kairouan, invisibles encore. On les dirait en marche, par bataillon, ces pierres dressées l'une derrière l'autre, par file droite, éloignées de quelques centaines de pas. Elles couvrent ainsi plusieurs kilomètres. Entre elles, rien que du sable argileux. Ce soulèvement est un des plus curieux du monde. Il a d'ailleurs sa légende. Quand Sidi Okba, avec ses cavaliers, arriva dans ce désert sinistre où s'étale aujourd'hui ce qui reste de la ville sainte, il campa dans cette solitude. Ses compagnons, surpris de le voir s'arrêter dans ce lieu, lui conseillèrent de s'éloigner, mais il répondit Nous devons rester ici et même y fonder une ville, car telle est la volonté de Dieu. » Ils lui objectèrent qu'il n'y avait ni eau pour boire, ni bois, ni pierre pour construire. Sidi Ogba leur imposa silence par ces mots: « Dieu y pourvoira. » Le lendemain, on vint lui annoncer qu'une levrette avait trouvé de l'eau. On creusa donc à cet endroit et on découvrit à 16 mètres sous le sol la source qui alimente le grand puits coiffé d'une coupole où un chameau tourne le long du jour la manivelle et l'évatoir. Le lendemain encore, des Arabes envoyés à la découverte annoncèrent à Sidi Ogba qu'ils avaient aperçu des forêts sur les pentes de montagnes voisines. Et le jour suivant, enfin, des cavaliers, partis le matin, rentrèrent au galop en criant qu'ils venaient de rencontrer des pierres, une armée de pierres en marche, envoyées par Dieu sans aucun doute. Kairouan, malgré ce miracle, est construite presque entièrement en briques. Mais voilà que la plaine est devenue un marais de boue jaune où les chevaux glissent, tirent sans avancer, s'épuisent et s'abattent. Ils enfoncent dans cette vase gluante jusqu'aux genoux, les roues y entrent jusqu'au moyeu. Le ciel s'est couvert, la pluie tombe, une pluie fine qui embrume l'horizon. Tantôt le chemin semble meilleur quand on gravit une des 7 ondulations, appelées les 7 collines de Kairouan. Tantôt il redevient un épouvantable cloaque lorsqu'on redescend dans l'entre-deux. Soudain, la voiture s'arrête. Une des roues de derrière est enrayée par le sable. Il faut mettre pied à terre et se servir de ses jambes. Nous voici donc sous la pluie. Fouettés par un vent furieux, levant à chaque pas une énorme botte de glaise qui englue nos chaussures, appesantit notre marche jusqu'à la rendre exténuante, plongeant parfois en des fondrières de boue, essoufflés, maudissant le sud glacial, et faisant vers la cité sacrée un pèlerinage qui nous vaudra peut-être quelque indulgence après ce monde, si, par hasard, le Dieu du prophète est le vrai. On sait que, pour les croyants, 7 pèlerinages à Kairouan valent un pèlerinage à la Mecque. J'entrevois dans la brume, au loin, devant moi, une tour mince et pointue, à peine visible, à peine plus teintée que le brouillard, et dont le sommet se perd dans la nuée. C'est une apparition vague et saisissante qui se précise peu à peu, prend une forme plus nette, et devient un grand minaret debout dans le ciel, sans qu'on voie rien autre chose, rien autour, rien au-dessous, ni la ville, ni les murs, ni les coupoles des mosquées. La pluie nous fouette la figure, et nous allons lentement vers ce phare grisâtre dressé devant nous, comme une tour fantôme qui va tout à l'heure s'effacer, rentrer dans la nappe de brume d'où elle vient de surgir. Puis, sur la droite, s'estompe un monument chargé de dômes. C'est la mosquée dite du Barbier. Et enfin apparaît la ville, une masse indistincte, indécise, derrière le rideau de pluie. Et le minaret semble moins grand que tout à l'heure, comme s'il venait de s'enfoncer dans les murs, après s'être élevé jusqu'au firmament pour nous guider vers la cité. Oh, la triste cité perdue dans ce désert, en cette solitude aride et désolée. Par les rues étroites et tortueuses, les Arabes, à l'abri dans les échoppes des vendeurs, nous regardent passer. Et quand nous rencontrons une femme, ce spectre noir entre ces murs jaunis par l'averse, semble la mort qui se promène. L'hospitalité nous est offerte par le gouverneur tunisien de Kairouan, Si Mohamed El Marabout, général Dubé, très noble et très pieux musulman, ayant accompli 3 fois déjà le pèlerinage de la Mecque. Il nous conduit, avec une politesse empressée et grave, vers les chambres destinées aux étrangers, où nous trouvons de grands divans et d'admirables couvertures arabes dans lesquelles on se roule pour dormir. Pour nous faire honneur, un de ses fils nous apporte, de ses propres mains, tous les objets dont nous avons besoin. Nous dînons ce soir même chez le contrôleur civil et consul français, où nous trouvons un accueil charmant et gai qui nous réchauffe et nous console de notre triste arrivée. 15 décembre. Le jour ne paraît pas encore quand un de mes compagnons me réveille. Nous avons projeté de prendre un bain mort dès la première heure avant de visiter la ville. On circule déjà par les rues, car les Orientaux se lèvent avant le soleil, et nous apercevons, entre les maisons, un beau ciel propre et pâle, plein de promesses de chaleur et de lumière. On suit des ruelles, encore des ruelles, on passe le puits où le chameau emprisonné dans la coupole tourne sans fin pour monter l'eau, et on pénètre dans une maison sombre, aux murs épais, où l'on ne voit rien d'abord, et dont l'atmosphère humide et chaude suffoque un peu dès l'entrée. Puis on aperçoit des Arabes qui sommeillent sur des nappes, et le propriétaire du lieu, après nous avoir fait dévêtir, nous introduit dans les étuves, sortes de cachots noirs et voûtés, où le jour naissant tombe du sommet par une vitre étroite et dont le sol est couvert d'une eau gluante dans laquelle on ne peut marcher sans risquer à chaque pas de glisser et de tomber. Or, après toutes les opérations du massage, quand nous revenons au grand air, une ivresse de joie nous étourdit, car le soleil levé illumine les rues et nous montre, blanches comme toutes les villes arabes, mais plus sauvages, plus durement caractérisées, plus marquées de fanatisme, saisissantes de pauvreté visible, de noblesse misérable et hautaine, Kairouan, la sainte. Les habitants viennent de passer par une horrible disette, et on reconnaît bien partout cet air de famine qui semble répandu sur les maisons même. On vend, comme dans les bourgades du centre africain, toutes sortes d'humbles choses en des boutiques grandes comme des boîtes, où les marchands sont accroupis à la turque. Voici des dattes de gafsa ou du souf, agglomérées en gros paquets de pâte visqueuse, dont le vendeur, assis sur la même planche, détache les fragments avec ses doigts. Voici des légumes, des piments, des pâtes, et dans les souks, longs bazars tortueux et voûtés, des étoffes, des tapis, de la sellerie ornementée de broderies d'or et d'argent, et une inimaginable quantité de savetiers qui fabriquent des babouches de cuir jaune. Jusqu'à l'occupation française, les Juifs n'avaient pu s'établir en cette ville impénétrable. Aujourd'hui, ils y pullulent et la rongent. Ils détiennent déjà les bijoux des femmes et les titres de propriété d'une partie des maisons, sur lesquelles ils ont prêté de l'argent, et dont ils deviennent vite possesseurs par suite du système de renouvellement et de multiplication de la dette qu'ils pratiquent avec une adresse et une rapacité infatigables. Nous allons vers la mosquée Jama Kebir ou de Sidi Ogba, dont le haut minaret domine la ville et le désert qui l'isole du monde. Elle nous apparaît soudain au détour d'une rue. C'est un immense et pesant bâtiment soutenu par d'énormes contreforts. Une masse blanche, lourde, imposante, belle d'une beauté inexplicable et sauvage. En y pénétrant, apparaît d'abord une cour magnifique, enfermée par un double cloître que supportent deux lignes élégantes de colonnes romaines et romanes. On se croirait dans l'intérieur d'un beau monastère d'Italie. La mosquée proprement dite est à droite, prenant jour sur cette cour par 17 portes à double battant que nous faisons ouvrir toutes grandes avant d'entrer. Je ne connais par le monde que 3 édifices religieux qui m'aient donné l'émotion inattendue et foudroyante de ce barbare et surprenant monument. Le Mont Saint-Michel, Saint-Marc de Venise et la chapelle Palatine à Palerme. Ce sont là les œuvres raisonnées, étudiés, admirables, de grands architectes sûrs de leurs effets. Pieux, sans doute, mais artistes avant tout, qu'inspira l'amour des lignes, des formes et de la beauté décorative autant et plus que l'amour de Dieu. Ici, c'est autre chose. Un peuple fanatique, errant, à peine capable de construire des murs, venu sur une terre couverte de ruines laissées par ses prédécesseurs, y ramassa partout ce qui lui parut de plus beau. Et à son tour, avec ses débris de même style et de même ordre, éleva, mû par une inspiration sublime, une demeure à son dieu. Une demeure faite de morceaux arrachés aux villes croulantes, mais aussi parfaite et aussi magnifique que les plus pures conceptions des plus grands tailleurs de pierre. Devant nous apparaît un temple démesuré, qui a l'air d'une forêt sacrée, car 180 colonnes d'onyx, de porphyre et de marbre supportent les voûtes de 17 nefs correspondant aux 17 portes. Le regard s'arrête, se perd dans cet emmêlement profond de minces piliers ronds, d'une élégance irréprochable, dont toutes les nuances se mêlent et s'harmonisent, et dont les chapiteaux byzantins de l'école africaine et de l'école orientale sont d'un travail rare et d'une diversité infinie. Quelques-uns m'ont paru d'une beauté parfaite. Le plus original, peut-être, représente un palmier tordu par le vent. À mesure que j'avance en cette demeure divine, toutes les colonnes semblent se déplacer, tourner autour de moi et former des figures variées d'une régularité changeante. Dans nos cathédrales gothiques, le grand effet est obtenu par la disproportion voulue de l'élévation avec la largeur. Ici, au contraire, l'harmonie unique de ce temple bas vient de la proportion et du nombre de ces fûts légers qui portent l'édifice, l'emplissent, le peuplent, le font ce qu'il est, créent sa grâce et sa grandeur. Leur multitude colorée donne à l'œil l'impression de l'illimité, tandis que l'étendue peu élevée de l'édifice donne à l'âme une sensation de pesanteur. Cela est vaste comme un monde, et on y est écrasé sous la puissance d'un dieu. Le dieu qui a inspiré cette œuvre d'art superbe est bien celui qui dicta le Coran, non point celui des évangiles. Sa morale ingénieuse s'étend plus qu'elle ne s'élève, nous étonne par sa propagation plus qu'elle ne nous frappe par sa hauteur. Partout on rencontre de remarquables détails. La chambre du sultan, qui entrait par une porte réservée, est faite d'une muraille en bois ouvragée comme par des ciseleurs. La chaire aussi, en panneaux curieusement fouillés, donne un effet très heureux. Et la mihrab, qui indique la Mecque, est une admirable niche de marbre sculpté, peint et doré, d'une décoration et d'un style exquis. À côté de cette mihrab, deux colonnes voisines laissent à peine entre elles la place de glisser un corps humain. Les Arabes qui peuvent y passer sont guéris des rhumatismes d'après les uns. D'après les autres, ils obtiendraient certaines faveurs plus idéales. En face de la porte centrale de la mosquée, la neuvième, à droite comme à gauche, se dresse de l'autre côté de la cour le minaret. Il a 129 marches. Nous les montons. De là-haut, Kairouan, à nos pieds, semble un damier de terrasses de plâtre, d'où jaillissent de tous côtés les grosses coupoles éblouissantes des mosquées et des koubas. Tout autour, à perte de vue, un désert jaune, illimité, tandis que, près des murs, apparaissent çà et là les plaques vertes des champs de cactus. Cet horizon est infiniment vide et triste, et plus poignant que le Sahara lui-même. Kairouan, paraît-il, était beaucoup plus grande. On cite encore les noms des quartiers disparus. Ce sont Dra el Temar, colline des marchands de dattes, Dra el Kouiba, colline des mesureurs de blé, Dra el Kerouya, colline des marchands d'épices, Dra el Gatrania, colline des marchands de goudron, Derbes Mesmar, le quartier des marchands de clous. Isolée, hors de la ville, distante à peine d'un kilomètre, la Zaouïa, ou plutôt la mosquée de Sidi Sahab, le barbier du prophète, attire de loin le regard. nous nous mettons en marche vers elle. Toute différente de Jama Kebir, dont nous sortons, celle-ci, nullement imposante, est bien la plus gracieuse, la plus colorée, la plus coquette des mosquées, et le plus parfait échantillon de l'art décoratif arabe que j'ai vu. On pénètre par un escalier de faïences antiques, d'un style délicieux, dans une petite salle d'entrée, pavée et ornée de la même façon. Une longue cour la suit, étroite, entourée d'un cloître, aux arcs en fer à cheval, retombant sur des colonnes romaines, et donnant, quand on y entre par un jour éclatant, l'éblouissement du soleil coulant en nappes dorées sur tous ses murs, recouverts également de faïences aux tons admirables et d'une variété infinie. La grande cour carrée, où l'on arrive ensuite, en est aussi entièrement décorée. La lumière, lui, ruisselle et vernit de feu cet immense palais d'émail où s'illuminent, sous le flamboiement du ciel saharien, tous les dessins et toutes les colorations de la céramique orientale. Au-dessus, courent des fantaisies d'arabesques inexprimablement délicates. C'est dans cette cour de féerie que s'ouvre la porte du sanctuaire qui contient le tombeau de Sidi Sahab, compagnon et barbier du prophète, dont il garda 3 poils de barbe sur sa poitrine jusqu'à sa mort. Ce sanctuaire, orné de dessins réguliers en marbre blanc et noir, où s'enroulent des inscriptions, plein de tapis épais et de drapeaux, m'a paru moins beau et moins imprévu que les 2 cours inoubliables par où l'on y parvient. En sortant, nous traversons une 3e cour peuplée de jeunes gens. C'est une sorte de séminaire musulman, une école de fanatiques. Toutes ces aouyas, dont le sol de l'islam est couvert, sont pour ainsi dire les œufs innombrables des ordres et confréries entre lesquels se partagent les dévotions particulières des croyants. Les principales de Kairouan, je ne parle pas des mosquées qui appartiennent à Dieu seul, sont Zaouya de Si Mohamed El-Wani, Zaouya de Sidi Abdelkader El-Jilani, le plus grand saint de l'islam et le plus vénéré, Zaouya Etidjani, Zaouya de Sidadir El-Krangani, Zaouya de Sidi Moaben Ben Aïssa de Meknès, qui contient des tambourins, des derboukas, sabres, pointes de fer et autres instruments indispensables aux cérémonies sauvages des Aïssawa. Ces innombrables ordres et confréries de l'islam, qui rappellent par beaucoup de points nos ordres catholiques, et qui, placés sous l'invocation d'un marabout vénéré, se rattachent au prophète par une chaîne de vieux docteurs que les Arabes nomment Salsela, ont pris, depuis le commencement du siècle surtout, une extension considérable et sont le plus redoutable rempart de la religion mahométane contre la civilisation et la domination européenne. Sous ce titre, marabout et couant, monsieur le commandant Rin les a énumérés et analysés d'une façon aussi complète que possible. Je trouve en ce livre quelques textes des plus curieux sur les doctrines et pratiques de ces confédérations. Chacune d'elles affirme avoir conservé intacte l'obéissance aux 5 commandements du prophète et tenir de lui la seule voie pour atteindre l'union avec Dieu, qui est le but de tous les efforts religieux des musulmans. Malgré cette prétention à l'orthodoxie absolue et à la pureté de la doctrine, tous ces ordres et confréries ont des usages, des enseignements et des tendances fort divergents. Les uns forment de puissantes associations pieuses, dirigées par de savants théologiens de vie austère, hommes vraiment supérieurs, aussi instruits théoriquement que redoutables diplomates dans leurs relations avec nous, et qui gouvernent avec une rare habileté ces écoles de sciences sacrées, de morale élevée et de combat contre l'Européen. Les autres formant de bizarres assemblages de fanatiques ou de charlatans, ont l'air de troupes de bateleurs religieux, tantôt exaltés, convaincus, tantôt purs saltimbanques exploitant la bêtise et la foi des hommes. Comme je l'ai dit, le but unique des efforts de tout bon musulman est l'union intime avec Dieu. Divers procédés mystiques conduisent à cet état parfait, et chaque confédération possède sa méthode d'entraînement. En général, cette méthode mène le simple adepte à un état d'abrutissement absolu, qui en fait un instrument aveugle et docile aux mains du chef. Chaque ordre a, à sa tête, un cheikh, maître de l'ordre. Tu seras entre les mains de ton cheikh comme le cadavre entre les mains du laveur des morts. Obéis-lui en tout ce qu'il a ordonné, car c'est Dieu même qui commande par sa voix. Lui désobéir, c'est encourir la colère de Dieu. N'oublie pas que tu es son esclave et que tu ne dois rien faire sans son ordre. Le cheikh est l'homme chéri de Dieu. Il est supérieur à toutes les autres créatures et prend rang après les prophètes. Ne vois donc que lui, lui partout. Bannis de ton cœur toute autre pensée que celle qui aurait Dieu ou le cheikh pour objet. Au-dessous de ce personnage sacré sont les Mokadem, vicaires du cheikh, propagateurs de la doctrine. Enfin, les simples initiés à l'ordre s'appellent les Kouans, les frères. Chaque contrée, pour atteindre l'état d'hallucination où l'homme se confond avec Dieu, a donc son horizon spécial, ou plutôt sa gymnastique d'abrutissement. Cela se nomme le dirk. C'est presque toujours une invocation très courte, ou plutôt l'énoncé d'un mot ou d'une phrase qui doit être répété un nombre infini de fois. Les adeptes prononcent, avec des mouvements réguliers de la tête et du cou, 200, 500, 1000 fois de suite, soit le mot « Dieu », soit la formule qui revient en toutes les prières, et il n'y a de divinité que Dieu. En y ajoutant quelques versets, dont l'ordre est le signe de reconnaissance de la confrérie. Le néophyte, au moment de son initiation, s'appelle Talamide, puis après l'initiation, il devient Mouride, puis Fagir, puis Soufi, puis Satek, puis Medjedoub, le ravi, l'halluciné. C'est à ce moment que se déclare chez lui l'inspiration ou la folie, l'esprit se séparant de la matière et obéissant à la poussée d'une sorte d'hystérie mystique. L'homme, dès lors, n'appartient plus à la vie physique. La vie spirituelle seule existe pour lui et il n'a plus besoin d'observer les pratiques du culte. Au-dessus de cet état, il n'y a plus que celui de Touïd, qui est la suprême béatitude, l'identification avec Dieu. L'extase aussi a ses degrés, qui sont très curieusement décrits par Cheikh Snoussi, affilié à l'ordre des Kelouatia, visionnaires interprètes des songes. On remarquera les rapprochements étranges qu'on peut faire entre ces mystiques et les mystiques chrétiens. Voici ce qu'écrit Cheikh Snoussi. L'adepte jouit ensuite de la manifestation d'autres lumières qui sont pour lui le plus parfait des talismans. Le nombre de ces lumières est de 70 000. Il se subdivise en plusieurs séries et compose les 7 degrés par lesquels on parvient à l'état parfait de l'âme. Le premier de ces degrés est l'humanité. On y aperçoit 10 000 lumières, perceptibles seulement pour ceux qui peuvent y arriver. Leur couleur est terne. Elles s'entremêlent les unes dans les autres. Pour atteindre le second, il faut que le cœur se soit sanctifié. Alors, on découvre 10 000 autres lumières inhérentes à ce second degré, qui est celui de l'extase passionnée. Leur couleur est bleu clair. On arrive au troisième degré, qui est l'extase du cœur. Là, on voit l'enfer et ses attributs, ainsi que 10 000 autres lumières dont la couleur est aussi rouge que celle produite par une flamme pure. Ce point est celui qui permet de voir les génies et tous leurs attributs, car le cœur peut jouir de 7 états spirituels accessibles seulement à certains affiliés. S'élevant ensuite à un autre degré, on voit 10 000 lumières nouvelles, inhérentes à l'état d'extase de l'âme immatérielle. Ces lumières sont d'une couleur jaune très accentuée. On y aperçoit les âmes des prophètes et des saints. Le 5e degré est celui de l'extase mystérieuse. On y contemple les anges et 10 000 autres lumières d'un blanc éclatant. Le 6e est celui de l'extase d'obsession. On y jouit aussi de 10 000 autres lumières dont la couleur est celle des miroirs limpides. Parvenu à ce point, on ressent un délicieux ravissement d'esprit qui a pris le nom d'El-Kadir et qui est le principe de la vie spirituelle. Alors seulement, on voit notre prophète Mohammed. Enfin, on arrive aux 10 000 dernières lumières cachées en atteignant ce 7e degré, qui est la béatitude. Ces lumières sont vertes et blanches, mais elles subissent des transformations successives. Ainsi, elles passent par la couleur des pierres précieuses pour prendre ensuite une teinte qui n'a pas de similitude avec une autre, qui est sans ressemblance, qui n'existe nulle part, mais qui est répandue dans tout l'univers. Parvenu à cet état, les attributs de Dieu se dévoilent. Il ne semble plus alors qu'on appartienne à ce monde. Les choses terrestres disparaissent pour vous. Ne voilà-t-il pas les 7 châteaux du ciel de Sainte Thérèse et les 7 couleurs correspondant aux 7 degrés de l'extase? Pour atteindre cet affolement, voici le procédé spécial employé par les Kelwatia. On s'assoit les jambes croisées et on répète pendant un certain temps « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». En portant la bouche alternativement de dessus l'épaule droite, au devant du cœur, sous le sein gauche. Ensuite, on récite l'invocation qui consiste à articuler les noms de Dieu, qui implique l'idée de sa grandeur et de sa puissance, en ne citant que les 10 suivants dans l'ordre où ils se trouvent placés. Lui, juste, vivant, irrésistible, donneur par excellence, pourvoyeur par excellence, celui qui ouvre à la vérité les cœurs des hommes endurcis, unique, éternel, immuable. Les adeptes, à la suite de chacune des invocations, doivent réciter 100 fois de suite ou même plus certaines oraisons. Ils se forment en cercle pour faire leur prière particulière. Celui qui les récite, en disant « lui », avance la tête au milieu du rond en l'obliquant à droite, puis il la reporte en arrière, du côté gauche, vers la partie extérieure. Un seul d'entre eux commence à dire le mot « lui ». Après quoi, tous les autres en chœur, en faisant aller la tête à droite puis à gauche. Comparons ces pratiques avec celles des quadrias. S'étant assis, les jambes croisées, il touche l'extrémité du pied droit, puis l'artère principale, nommée El-Kias, qui contourne les entrailles. Il place la main ouverte, les doigts écartés, sur le genou, porte la face vers l'épaule droite en disant « Ah !» puis vers l'épaule gauche en disant « Ou !» puis la baisse en disant « I !» puis recommence. Il importe, et cela est indispensable, que celui qui les prononce s'arrête sur le premier de ces noms aussi longtemps que son haleine le lui permet. Puis, quand il s'est purifié, il appuie de la même manière sur le nom de Dieu, tant que son âme peut être sujette aux reproches. Ensuite, il articule le nom « ou » quand la personne est disposée à l'obéissance. Enfin, lorsque l'âme a atteint le degré de perfection désirable, il peut dire le dernier nom « i ». Ces prières, qui doivent amener l'anéantissement de l'individualité de l'homme, absorbé dans l'essence de Dieu, c'est-à-dire l'état à la suite duquel on arrive à la contemplation de Dieu en ses attributs, s'appelle « Werd de Bered ». Mais parmi toutes les confréries algériennes, c'est assurément celle des Assaoua qui attire le plus violemment la curiosité des étrangers. On sait les pratiques épouvantables de ces jongleurs hystériques, qui, après s'être entraîné à l'extase, en formant une sorte de chaîne magnétique et en récitant leurs prières, mangent les feuilles épineuses des cactus, des clous, du ver pilé, des scorpions, des serpents. Souvent, ces fous dévorent avec des convulsions affreuses un mouton vivant, laine, peau, chair sanglante, et ne laissent à terre que quelques os. Ils s'enfoncent des pointes de fer dans les joues ou dans le ventre, et on trouve après leur mort, quand on fait leur autopsie, des objets de toute nature entrés dans les parois de l'estomac. Eh bien, on rencontre dans les textes des Asawa les plus poétiques prières et les plus poétiques enseignements de toutes les confréries islamiques. Je cite, d'après M. le commandant Rine, quelques phrases seulement. Le prophète dit un jour à Abu Dir el-Rifari, « Ô Abu Dir, le rire des pauvres est une adoration, leur jeu, la proclamation de la louange de Dieu, leur sommeil, l'aumône. » Le cheikh a encore dit, « Prier et jeûner dans la solitude et n'avoir aucune compassion dans le cœur, cela s'appelle, dans la bonne voie, de l'hypocrisie. » L'amour est le degré le plus complet de la perfection. Celui qui n'aime pas n'est arrivé à rien dans la perfection. Il y a 4 sortes d'amour. L'amour par l'intelligence, l'amour par le cœur, l'amour par l'âme, l'amour mystérieux. Qui donc a jamais défini l'amour d'une manière plus complète, plus subtile et plus belle? On pourrait multiplier à l'infini les citations. Mais, à côté de ces ordres mystiques qui appartiennent aux grands rites orthodoxes musulmans, existe une secte dissidente, celle des Ibadites ou Benimzab, qui présente des particularités fort curieuses. Les Benimzab habitent, au sud de nos possessions algériennes, dans la partie la plus aride du Sahara, un petit pays, le Mzab, qu'ils ont rendu fertile par de prodigieux efforts. On retrouve avec stupéfaction, dans la petite république de ces puritains de l'islam, les principes gouvernementaux de la commune socialiste, en même temps que l'organisation de l'église presbytérienne en Écosse. Leur morale est dure, intolérante, inflexible. Ils ont l'horreur de l'effusion du sang et ne l'admettent que pour la défense de la foi. La moitié des actes de la vie, le contact accidentel ou volontaire de la main d'une femme, d'un objet humide, sale ou défendu, sont des fautes graves qui réclament des ablutions particulières et prolongées. Le célibat, qui pousse à la débauche, la colère, les chants, la musique, le jeu, la danse, toutes les formes du luxe, le tabac, le café pris dans un établissement public, sont des péchés qui peuvent faire encourir, si on y persévère, une redoutable excommunication appelée la tébria. Contrairement à la doctrine de la plupart des congréganistes musulmans, qui déclarent les pratiques pieuses, les oraisons et l'exaltation mystique suffisantes pour sauver le fidèle, quels que soient ses actes, les ibadites n'admettent le salut éternel de l'homme que par la pureté de sa vie. Ils poussent à l'excès l'observation des prescriptions du Coran, traitent en hérétiques les derviches et les fakirs, ne croient pas valable auprès de Dieu, maître souverainement juste et inflexible, l'intervention des prophètes ou saints, dont cependant ils vénèrent la mémoire. Ils nient les inspirés et les illuminés, et ne reconnaissent pas même à l'iman le droit d'amnistier son semblable, car Dieu seul peut être juge de l'importance des fautes et de la valeur du repentir. Les ibadites sont d'ailleurs des schismatiques, qui appartiennent au plus ancien des schismes de l'islam et descendent des assassins d'Ali, gendre du prophète. Mais les ordres, qui comptent en Tunisie le plus d'adhérents, semblent être en première ligne avec les Aïssawa, ceux des Tinadnia et des Kadria. Ce dernier fondé par Abdelkader el-Jinani, le plus saint homme de l'islam, après Mohammed. Les aouïas de ces deux marabouts, que nous visitons après celle du barbier, sont loin d'atteindre l'élégance et la beauté des deux monuments que nous avons vus d'abord. 16 décembre. La sortie de Kérouan vers Sousse augmente encore l'impression de tristesse de la ville sainte. Après de longs cimetières, vastes champs de pierre, voici des collines d'ordures, faites des détritus de la ville, accumulées depuis des siècles. Puis recommence la plaine marécageuse, où on marche souvent sur des carapaces de petites tortues. Puis toujours la lande où pâturent des chameaux. Derrière nous, la ville, les dômes, les mosquées, les minarets, se dressent dans cette solitude morne comme un mirage du désert, puis peu à peu s'éloignent et disparaissent. Après plusieurs heures de marche, la première halte a lieu près d'une couba, dans un massif d'oliviers. Nous sommes à Sidi Lani. Et je n'ai jamais vu le soleil faire d'une coupole blanche une plus étonnante merveille de couleurs. Est-elle blanche? Oui, blanche à aveugler. Et pourtant, la lumière se décompose si étrangement sur ce gros œuf qu'on y distingue une féerie de nuances mystérieuses, qui semblent évoquées plutôt qu'apparues, illusoires plus que réelles, et si fine, si délicate, si noyée dans ce blanc de neige, qu'elle ne s'y montre pas tout de suite, mais après l'éblouissement et la surprise du premier regard. Alors, on n'aperçoit plus qu'elle, si nombreuse, si diverse, si puissante, et presque invisible pourtant. Plus on regarde, plus elle s'accentue. Des ondes d'or coulent sur ses contours, secrètement éteintes dans un bain lilas, léger comme une buée, que traversent par places des traînées bleuâtres. L'ombre immobile d'une branche est peut-être grise, peut-être verte, peut-être jaune, je ne sais pas. Sous l'abri de la corniche, le mur plus bas me semble violet. Et je devine que l'air est mauve autour de ce dôme aveuglant qui me paraît à présent presque rose. Oui, presque rose quand on le contemple trop, quand la fatigue de son rayonnement mêle tous ces tons si fins et si clairs qu'ils affolent les yeux. Et l'ombre, l'ombre de cette couba sur ce sol, de quelle nuance est-elle? Qui pourra le savoir, le montrer, le peindre? Pendant combien d'années faudra-t-il tremper nos yeux et notre pensée dans ces colorations insaisissables, si nouvelles pour nos organes instruits à voir l'atmosphère de l'Europe, ses effets et ses reflets avant de comprendre celle-ci, de les distinguer et de les exprimer, jusqu'à donner à ceux qui regarderont les toiles où elles seront fixées par un pinceau d'artiste la complète émotion de la vérité. Nous entrons à présent dans une région moins nue où l'olivier pousse. À Mouredine, auprès d'un puits, une superbe fille rit et montre ses dents en nous voyant passer. Et un peu plus loin, nous devançons un élégant bourgeois de Sousse qui rentre à la ville, monté sur son âne et suivi de son nègre qui porte son fusil. Il vient sans doute de visiter son champ d'olivier ou sa vigne. Dans le chemin encaissé entre les arbres, c'est un tableautin charmant. L'homme est jeune, vêtu d'une veste verte et d'un gilet rose, en partie caché sous un burnous de soie, drapant les reins et les épaules. Assis comme une femme sur son âne qui trottine, il lui tambourine le flanc de ses deux jambes moulées sous des bas d'une blancheur parfaite, tandis qu'il retient, fixés à ses pieds, on ne sait comment, deux brodequins vernis qui n'adhèrent point à ses talons. Et le petit nègre, habillé tout de rouge, court, son fusil sur l'épaule, avec une belle souplesse sauvage, derrière l'âne de son maître. Voici Sousse. Mais je l'ai vue, cette ville. Oui, oui, j'ai eu cette vision lumineuse autrefois, dans ma toute jeune vie au collège, quand j'apprenais les croisades dans l'histoire de France de Burette. Oh, je la connais depuis si longtemps. Elle est pleine de sarrasins, derrière ce long rempart crénelé, si haut, si mince, avec ses tours de loin en loin, ses portes rondes, et les hommes à turban qui rôdent à son pied. Oh, cette muraille, C'est bien celle dessinée dans le livre à images, si régulière et si propre qu'on la dirait en carton découpé. Que c'est joli, clair et grisant. Rien que pour voir Sousse, on devrait faire ce long voyage. Dieu, l'amour de muraille qu'il faut suivre jusqu'à la mer, car les voitures ne peuvent entrer dans les rues étroites et capricieuses de cette cité des temps passés. Elle va toujours, la muraille, elle va jusqu'au rivage, pareille et crénelée, armée de ses tours carrées. Puis elle a fait une courbe, suit la rive, tourne encore, remonte et continue sa ronde, sans modifier une fois, pendant quelques mètres seulement, son coquet aspect de rempart sarrasin. Et sans finir, elle recommence, à la façon d'un chapelet dont chaque grain est un créneau et chaque dizaine une tourelle, enfermant dans son cercle éblouissant, comme dans une couronne de papier blanc, la ville, serrée dans son étreinte, et qui étage ses maisons de plâtre entre le mur du bas, baigné dans le flot, et le mur du haut, profilé sur le ciel. Après avoir parcouru la cité, entremêlement de ruelles étonnantes, comme il nous reste une heure de jour, nous allons visiter, à 10 minutes des portes, les fouilles que font les officiers sur l'emplacement de la nécropole d'Adrumette. On y a découvert de vastes caveaux contenant jusqu'à 20 sépultures et gardant des traces de peinture murale. Ces recherches sont dues aux officiers qui deviennent, en ces pays, des archéologues acharnés et qui rendraient à cette science de très grands services si l'administration des Beaux-Arts n'arrêtait leurs ailes par des mesures vexatoires. En 1860, on a mis au jour, en cette même nécropole, une très curieuse mosaïque représentant le labyrinthe de Crète, avec le Minotaure au centre, et, près de l'entrée, une barque amenant Thésée, Ariane et son fil. Le Bé voulut faire apporter à son musée cette pièce remarquable, qui fut totalement détruite en route. On a bien voulu m'en offrir une photographie faite sur un croquis de M. Larmande, dessinateur des ponts et chaussées. Il n'en existe que 4, exécutées tout récemment. Je ne crois pas qu'une d'elles ait encore été reproduite. Nous revenons à Sousse, au soleil couchant, pour dîner chez le contrôleur civil de France, un des hommes les mieux renseignés et les plus intéressants à écouter parler des mœurs et des coutumes de ce pays. De son habitation, on domine la ville entière. Cette cascade de toits carrés, vernis de chaux, où courent des chats noirs et où se dresse parfois le fantôme d'un être drapé en des étoffes pâles ou colorées. De place en place, un grand palmier passe la tête entre les maisons et étale le bouquet vert de ses branches au-dessus de leur blancheur unie. Puis, quand la lune se fut levée, cela devint une écume d'argent roulant à la mer, un rêve prodigieux de poète réalisé, l'apparition invraisemblable d'une cité fantastique d'où montait une lueur au ciel. Puis nous avons erré fort longtemps par les rues. La baie d'un café mort nous tente, nous entrons. Il est plein d'hommes, assis ou accroupis, soit par terre, soit sur les planches garnies de nattes, autour d'un conteur arabe. C'est un vieux, gras, à l'œil malin, qui parle avec une mimique si drôle qu'elle suffirait à amuser. Il raconte une farce, l'histoire d'un imposteur qui voulut se faire passer pour marabout, mais que l'imam a dévoilé. Ses naïfs auditeurs sont ravis et suivent le récit avec une attention ardente qu'interrompent seuls des éclats de rire. Puis nous nous remettons à marcher, ne pouvant, par cette nuit éblouissante, nous décider au sommeil. Et voilà qu'en une rue étroite, je m'arrête devant une belle maison orientale dont la porte ouverte montre un grand escalier droit, tout décoré de faïence et éclairé, de haut en bas, par une lumière invisible, une cendre, une poussière de clarté tombée on ne sait d'où. Sous cette lueur inexprimable, chaque marche émaillée attend quelqu'un. Peut-être un vieux musulman ventru, mais je crois qu'elle appelle un pied d'amoureux. Jamais je n'ai mieux deviné, vu, compris, senti l'attente que devant cette porte ouverte et cet escalier vide où veille une lampe inaperçue. Au dehors, sur le mur éclairé par la lune, est suspendu un de ces grands balcons fermés qu'ils appellent une barmaclie. Deux ouvertures sombres au milieu, derrière les riches ferrures contournées par des moucharabis. Est-elle là-dedans qui veille, qui écoute et nous déteste, la Juliette arabe dont le cœur frémit? Oui, peut-être. Mais son désir tout sensuel n'est point de ceux qui, dans nos pays à nous, monteraient aux étoiles par des nuées pareilles. Sur cette terre amollissante et tiède, si captivante que la légende des lotophages y est née dans l'île de Djerba, l'air est plus savoureux que partout, le soleil plus chaud, le jour plus clair, mais le cœur ne sait pas aimer. Les femmes, belles et ardentes, sont ignorantes de nos caresses. Leur âme simple reste étrangère aux émotions sentimentales, et leurs baisers, dit-on, n'enfantent point le rêve.